déjà tout fait. Y'a plus rien qui l'étonne. Côté sexe, c'est parfait. Elle a tout entendu et pas mal essayé. C'est sûr, c'est pas une nonne. Y'a prescription à faire classer. Et toi, ma gueule, t'as rien à faire ici. Oh, si t'as rien compris. Elle est Lily la chance. Elle est Lily ma chance. C'est pour moi qu'elle rentre chaque jour. Ce nouveau jour de ma vie. Elle a fait les bars de nuit. Elle a traîné dans les rues sales. Elle a eu peur, ça t'étonne. Tout ça pour faire des pipas en balle. Moi j'avais besoin d'elle. Elle n'avait pas besoin de moi. Je la prends pas pour une conne, ni même pour faire des économies, crois-moi. Fous-toi de ma gueule, t'as rien à faire ici. Oh, si t'as rien compris. Elle est Lily la chance. Elle est Lily ma chance. C'est pour moi qu'elle rentre chaque jour. C'est le plus beau jour de ma vie. Elle est Lily la chance. Elle est Lily ma chance. C'est pour moi qu'elle rentre chaque jour. C'est le plus beau jour de ma vie. J'avais tellement à offrir. Je lui ai même donné mon nom. C'est ce qui m'a fait le plus de plaisir. Pour ceux que ça fait marrer, pour ceux qui compatissent, je laisse ma place à personne. On s'en fout des gondoles à venir. Toi de ma gueule, mais t'as rien à faire ici. Oh, si t'as rien compris. Elle est Lily la chance. Elle est Lily ma chance. C'est pour moi qu'elle rentre chaque jour. C'est le plus beau jour de ma vie.